Bass. Hey, back now. Yo. Bon, bah, ceci je l'ai écrite pour. Enfin, tu vois de qui je parle, quoi. Le petit gars là. Le qui se la joue avec la petite crocodile sur la petite casquette. Tu vois ce que je veux dire? Les petits garnichards là, ceux qui disent la société les a bouffés là. Tu vois ce que je veux dire? Moi en fait, j'aime vraiment pas les bolos. Les bolos m'énervent beaucoup. Tu vois, les mecs ils font passer pas des victimes toute la journée alors qu'ils foutent rien de toute manière. J'en ai marre de tous ces putains d'enfoirés là. Il faut avoir un putain d'esprit d'entrepreneur aujourd'hui pour réussir, mec. C'est ça que je dis, moi. Tu vois? La vérité, c'est que je pense qu'on peut réussir, mais seulement par ses propres moyens. T'as ton aide de personne, mec. T'as l'aide de personne. À part peut-être de ta famille, évidemment, tu vois. Reste pas à la maman. On se plaisante. Enfin bon, voilà donc. J'ai écrit un putain de texte pour montrer que moi je veux réussir. Que j'en ai marre de ce qu'on entend en ce moment à la radio. Ça me casse bien les couilles. Donc, bah, j'y vais. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ok? C'est cool. Hi, nigga. J'essaye de lever ce rap. Ce putain de rap français, rempli de bitches qui tentent de se faire passer pour des queues. Mais vous m'avez entendu, moi je vous ai remarqué. À faire les fous toute la journée, vous marchez arqué. Joe Blunt, c'est un créole, c'est ta grosse balle. On retourne aux sources en enculant tous ces trous de balles. Les meufs ils savent qui contrôle le game, c'est nous. Joe Blunt, Sticky Boy, mec y'a rien de chelou. On aime cette musique, ça c'est vrai le vrai. On ne se sent jamais aussi heureux que lorsque l'on crée. On savoure pas une fille, on reste nous-mêmes. Mec t'as la haine mais à la fin on sait que tu nous aimes. Tu peins sur nos morceaux comme une vulgaire t'aspect. Dès que tu critiques le message qu'on essaye de faire passer. Très cool, arrête de te prendre la tête, mec. Éclate-toi tant que tu veux, le reste plus de la schneck, mec. Le reste plus de la schneck, mec. Le reste plus de la schneck, mec. J'essaie de faire ce rap, pour un rap mondial. J'essaie de faire ce rap, sera avec tous mes sraps. J'essaie de faire ce rap, pour un rap mondial. J'essaie de faire ce rap, et avec tous mes sraps. J'essaie de faire ce rap, pour un rap mondial. J'essaie de faire ce rap, sera avec tous mes sraps. J'essaie de faire ce rap, pour un rap mondial. J'essaie de faire ce rap, et avec tous mes rap. J'essaie de faire ce rap, j'essaie de faire ce rap. Est-ce que t'as compris ce que je voulais dire ou pas? J'essaie de putain d'élever ce rap. Ce putain de rap français dont tout le monde se fout de la gueule. Même les Allemands sont meilleurs que nous aujourd'hui, moi je vous jure. Les mecs sont bien plus dans l'ambiance, c'est un truc de malade. Arrêtez de faire les cakes. Toute la journée je vois des meufs, des rappeurs de merde qui sont là. Ouais, moi je suis un bon, ouais, ça fait du temps que je rappe. Ça fait du temps que tu rappes, t'as jamais rien sorti, pédale. Pourquoi tu parles avec moi, c'est toi, tu fermes ta gueule. Y'en a marre de tous ces petits enfoirés qui jouent les malins. Le rap, ils sont en train de nous tuer. Skyrock, c'est pas une radio pour nous, les gars. Si un jour Skyrock me passe, putain, il faut qu'il me paye beaucoup. Payez-moi, les gars. Parce que la vérité, moi j'emmerde tous ces gars. Ils utilisent d'autres musiques, c'est à nous, tout ça, les mecs, ok? Alors n'oubliez jamais ça et respectez cette musique. Yes, ça.